رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله في كتابه كشف الشبهات: فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وأرجو شفاعته، لكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن يرتضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه. فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيا، وأمثل هذا. فإن قال: النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال: فلا تدعو مع الله أحدا. فإن كنت تدعو الله أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيك، فأطيعه في قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا. وأيضا، فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون. أتقول: إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منه؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. Donc l'auteur nous dit, c'est la cinquième ambiguïté, il nous dit, s'il te dit, c'est-à-dire la personne avec qui tu es en train de débattre, nie-tu l'intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et tu te désavoues d'elle, tu réponds: non, je ne la rejette pas et je ne me désavoue pas d'elle. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou al-shafi'un al-mushafi'un, c'est-à-dire celui qui intercédera et celui dont l'intercession sera acceptée. Et j'espère son intercession. Mais l'intercession entièrement appartient à Allah. Allah dit dans Sourate Az-Zumar: Qul lillahi shafa'atu jami'a. Dit à Allah appartient l'intercession entièrement. Et l'intercession n'a lieu qu'après la permission d'Allah. Comme le dit Allah: Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'intercédera pour quelqu'un qu'après qu'Allah lui ait donné la permission. Allah dit dans le Coran: وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. C'est-à-dire Allah également, il donne la permission d'intercéder pour une personne précise. Allah, il faut qu'il agrée la personne pour qui est l'intercession. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. Ils n'intercéderont que pour ceux qu'Allah agrée. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée que al-tawhid, les gens donc qu'il adore en l'unifiant. Comme le dit Allah: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. Celui qui recherche une religion autre que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui. Donc si l'intercession entièrement appartient à Allah, et qu'elle n'a lieu qu'après sa permission, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'intercédera ni lui ni quelqu'un d'autre pour quelqu'un qu'après qu'Allah ait agréé cette personne. Et Allah ne donne sa permission que pour les gens du tawhid. À ce moment-là, tu te rends compte clairement que l'intercession appartient entièrement à Allah et que c'est à lui qu'il faut la demander en disant Allahumma la tahrimni shafa'ah, c'est-à-dire oh Allah, ne me prive pas de son intercession, c'est-à-dire l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien je dis Allahumma shafi'ahu fiyya, c'est-à-dire oh Allah, fais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède pour moi. Tu demandes l'intercession pas au prophète mais à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il te dit ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a donné l'intercession. Donc je lui demande ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Tu lui réponds en lui disant qu'Allah lui a donné al-shafa'a, mais en même temps, il t'a interdit de lui demander. Car il dit fala tad'una Allah ila hada, c'est-à-dire n'invoque personne avec Allah. Donc si tu invoques Allah qu'il fasse intercéder pour toi son prophète, fa'atihu fi qawlihi. Donc si si tu désires invoquer Allah qu'il fasse intercéder son prophète en ta faveur, obéis-lui lorsqu'il dit fala tad'u ma Allah ahada, n'invoque personne avec Allah. Également, sache que l'intercession a été donnée à autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera pas le seul à intercéder. Donc il y a des hadiths qui prouvent que les anges intercéderont, que l'afrat, c'est les enfants qui sont décédés avant la puberté, également ils intercéderont. L'awliya, c'est-à-dire les amis d'Allah, intercéderont. Est-ce que tu dis que vu qu'Allah leur a donné l'intercession, je leur demande l'intercession, en général, ils demandent cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu dis cela, que je demande également l'intercession de ces gens-là, à ce moment-là, tu reviens à l'adoration des vertueux qu'Allah a cités dans le Coran. Et s'ils disent non, c'est-à-dire je ne leur demande pas l'intercession, à ce moment-là, pourquoi la demander du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'intercession et je la demande auprès, je lui demande de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. هذه هي الشبهة الخامسة التي اعترض المناوئون لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حول دعوته. وذكرنا أن الشبهات التي ذكرها المصنف رحمه الله كانت شبهات أثيرت في زمنه من قبل أعداء دعوته، فهي ليست شبهات افتراضية افترضها المصنف، لا، هي شبهات حقيقية كانت موجودة في زمنه، كان أعداء الدعوة يحاولون بها أن يصرفوا الناس عن دعوة الشيخ. Donc ça c'est la cinquième ambiguïté que les ennemis du prêche au tawhid donc avaient propagé auprès des gens afin d'éloigner les gens de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et de son appel. Donc ce n'est pas des ambiguïtés que l'auteur rahimahullah il s'est imaginé pour y répondre. Il aurait pu faire cela. Il aurait pu faire que des gens vont peut-être dire sur mon prêche c'est telle chose ou telle chose. Non, c'est vraiment des choses qui étaient présentes à son époque. Il y a des livres qui ont été écrits pour propager ce type d'ambiguïté afin d'éloigner les gens de ce prêche qui essayait de ramener les gens vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذه الشبهة اللي مضمونها أن الشيخ رحمه الله ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من يعني حاول أن يلتزم بدعوة التوحيد والدعوة إلى السنة رمي بأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. إلى زماننا هذا لأتباع هذه الدعوة يقول هؤلاء لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم لا يقفون عند قبره ولا يستغيثون به ولا يطلبونه، بل ينكرون على من يفعل ذلك، وبالتالي لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. Donc cette ambiguïté, en résumé, donc c'est le fait qu'ils ont dit que le cheikh, rahimahullah, n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam et renie son intercession. Et cette ambiguïté est présente jusqu'à notre époque. Lorsqu'une personne essaye donc de suivre la voie de l'unicité, de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est alors critiqué et on lui dit « tu n'aimes pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Lorsqu'on dit pourquoi, on va dire « car tu ne l'invoques pas ». Pourquoi ? Car lorsque tu rends visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc tu passes et tu passes seulement le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « trois mots aux gens qui restent, qui pleurent, qui lèvent leurs mains, etc. » يعني هؤلاء هم في حالة من الخشوع لا يجدون هذه الصلاة. يعني gens qui sont auprès de la tombe du prophète sallam dans un khushu qui ne trouvent même pas pendant la prière, qui ne trouvent même pas même s'ils étaient en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala le jour de Arafa. Et ils blâment ceux qui les empêchent donc d'invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lui demander secours ou bien de lui demander al-shafa. فهذه الشبهة تتكون من شيئين. أولا ادعوا أن المصنف رحمه الله ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبرأ منها، وهو أجاب عن ذلك فقال رحمه الله لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل صلى الله وسلم والشافع المشفع وأرجو شفاعته. Donc la cette shubha, cette ambiguïté est composée de deux choses. Premièrement, donc ils ont dit qu'ils niaient et ne croyaient pas à l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'auteur Mahmoud a répondu à eux en disant que, au contraire, ils croient en cette intercession et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui intercédera et donc la intercession soit acceptée. Il dit même, et j'espère son intercession. Tout musulman espère que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera pour lui. L'âme au fait, il dit « le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ta'allahu shafa'a » fi al-hadith yajidu fi alal an Allah tabaraka wa ta'ala a'ta shafa'ata li Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فَمَدَمَا أَنَا أُعْطِيَهَا لِمَدَا تَمْنَعُنِي أَنْ أَطْلُبَهَا مِنْ. Deuxièmement, ils disent que Allah donne l'intercession au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à partir du moment où il lui a donné, pourquoi m'interdis-tu de lui demander d'intercéder pour moi? Voilà les deux points sur lesquels se base cette ambiguïté. فنرد على هذه الشبهة بعدة نقاط. سنرد على هذه الشبهة بسبع خطوات. الخطوة الأولى أن الإنسان يعترف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطي الشفاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الشافع للشفاعة. إذا قال لك أحد أنت تنكر ما دام أنك لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة قد تتهم بأنك تنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعله يعني الخوارج والمعتزلة، يعني أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تثبت وتبين اعتقادك في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنصوص يعني متواترة ودلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أن يشفع لبعض عباد الله الصالحين. فهناك شفاعات يختص النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهناك شفاعات تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. Donc premièrement, pour répondre à cette ambiguïté, on va répondre donc de par sept points. Premièrement, donc la personne qui peut voir ne pas invoquer l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne pas invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il intercède pour toi, il se peut que tu sois donc accusé de ne pas croire en cela. Car donc parmi certains groupes dans l'islam à travers l'histoire, il y en a qui ont rejeter ce que l'on appelle al-shafa'a parmi eux, al-khawarij ou al-mu'tazila. Donc il faut que tu montres ta croyance en cela, que tu crois bien en l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths sont très longs, dans al-Bukhari, al-Muslim, Sunan, etc. Donc ils sont très nombreux, ce qu'on appelle al-hadith al-mutawatira. Ok, ليس المتواتر اللفظي ولكن المتواتر المعنوي. Donc il y a tellement de hadiths que c'est ce qu'on appelle le متواتر. Donc متواتر il y a deux sortes. Nous avons le متواتر المعنوي, c'est-à-dire un hadith précis. Un hadith précis est rapporté par tellement de compagnons que ce type de hadith est au-dessus de l'authentique. Hadith authentique, le mutawatir c'est au-dessus, on ne cherche même pas à savoir est-ce qu'il est authentique ou pas, tellement il y a de chaînes de transmission. De nombreux compagnons l'ont rapporté, et ces mêmes compagnons l'ont rapporté encore plus de monde après eux, il y a énormément de chaînes de transmission. Donc les savants, à un moment donné, ils disent ce hadith est mutawatir. Donc c'est au-dessus du sahih. Parfois on a un hadith précis, une phrase précise, et parfois on a un groupe de hadith qui traite d'un seul et même texte. À ce moment-là, on dit le mutawatir al-ma'nawi. Et parmi ces choses-là, al-shafa'a. Mimma tawatta hadith man kadhab wa mimma la lillahi bayt al-muhtasab wa ru'yatu al-shafa'atu al-hawd wa masqu al-khawfi wa hadi ba'd. Donc une personne donc a essayé donc de citer certains thèmes sur lesquels justement il y a التواتر. Il a dit مما تواتر حديث من كذب. C'est quoi حديث من كذب؟ لا لا لا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Ce hadith متواتر. Il a été rapporté énormément par les compagnons رضي الله عنهم et après les compagnons jusqu'aux gens qui ont écrit les livres de la Sunna. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. Également le hadith qui dit que celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construira une demeure au paradis. Ce hadith également متواتر. Donc c'est plus la peine de dire صحيح ou bien صحاح ou فلان. Ça, c'est ce qu'on appelle le متواتر. ورؤيتون. رؤيتون, c'est les hadiths qui parlent de la vision des croyants dans l'au-delà. Donc les croyants verront leur Seigneur subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Également, ça c'est متواتر. ورؤيتون شفاعتون. Ça, c'est l'intercession. والحوض, c'est le bassin. Le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également les hadiths, ils sont très très nombreux sur cela, pour parler de cela. وَمَسْحُ خُفَيْنِ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَيْنِ. Également, il y a de très nombreux hadiths parlant de cela. وَهَذِي بَعْضُ. C'est-à-dire, ce que je viens de citer, c'est que quelques sujets. Donc nous avons deux hadiths. مَنْ كَذَبَ علي متعمدا فليتبوأ مقامه منها. من بنى لله مسجدا يبتغي ذلك وجه الله بنى الله له بيتا في الجنه. سيدي حديث الرقم المتواتر اللفظي. Pourquoi? Parce que c'est un hadith précis. Ensuite, nous avons Ayatul. Ça, c'est ma'nawi. C'est-à-dire, c'est beaucoup de hadiths qui parlent d'un seul et même terme. Wa Ayatul Shafa'at. Également, l'intercession, beaucoup de hadiths qui parlent du même terme. Wa Al-Hawd, pareil. Ma'nawi. Et pareil pour Al-Mas ala Al-Khufayn. Donc, la personne commence par montrer sa croyance en montrant qu'elle croit à l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثانيا انهم قالوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم اعطي الشفاعه فانا اطلبها منه. Deuxièmement, ils ont dit, vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a donné l'intercession, donc je lui demande d'intercéder pour moi. فالجواب نقول نقر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة ولكن لا يجوز لك أن تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن زمن الشفاعة لم يأتي بعد. زمان الشفاعة لم يأتي بعد. فما صح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة منه في حياته صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الآخرة. فيوم القيامة عندما يبعث الله تبارك وتعالى الناس من قبورهم من أولهم إلى آخرهم مرادا حفاة غرلا، ثم يستشفعون بالأنبياء، يذهبون إلى آدم عليه السلام، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم ينتهون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حينئذ أنا لها، يقول أنا لها. هذا يدل على أن الشفاعة تكون في الآخرة وليست في الدنيا. Deuxièmement, on dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai que l'intercession lui a été donnée. Allah a donné l'intercession au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le problème est que l'intercession possède un moment. Et l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam aura lieu dans l'au-delà. Toi, si tu demandes l'intercession au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je demande une chose qui n'a pas encore eu lieu. Et les compagnons n'ont jamais demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder pour eux, même dans l'au-delà, car le moment de l'intercession n'est pas encore venu. C'est pour cela que Yawm al-Qiyamah, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala ressuscitera les gens de leur tombe, donc ils seront nus pieds et non circoncis, et donc ils voudront sortir de ce jour terrible, car donc ce sera un jour très long, et le soleil se rapprochera de leur tête, d'une longueur d'un lit, donc ils seront pris de sueur. Donc certains auront de la sueur jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'à la taille, d'autres jusqu'à la poitrine, d'autres jusqu'à la bouche, d'autres même se noieront dans leur propre sueur. Et certains seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce jour sera tellement terrible qu'ils voudront que Allah tabaraka wa ta'ala mettre un terme à ce jour. Et donc ils diront, qui peut intercéder auprès d'Allah afin que Allah donc juge ses serviteurs. Donc ils se rendront vers Adam, ensuite Nour, ensuite Ibrahim, ensuite Moussa, ensuite Isa, et nous célèbre. Et chacun s'excusera de ne pouvoir faire cela en disant, je pense à ma propre personne. Nefsi, nefsi. Jusqu'à ce qu'il finisse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dira analaha analaha. Il dira donc, c'est moi qui vais intercéder pour ce qu'on appelle donc le maqam al-mahmoud, le shafa'atu al-uzma. Ce qui prouve donc que l'intercession n'a pas lieu ici-bas, mais dans l'au-delà. ثالثا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وهذا صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة على صحيح، ولكن الشفاعة ليست ملكا له. الشفاعة ليست ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت الشفاعة ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج أن يستأذن ربه سبحانه وتعالى. فمن كان مالكا بشيء لا يستأذن أحدا في القيام بشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يستشفع به يوم القيامة فإنه يستأذن ربه ويخر ساجدا تحت العرش ويحمد الله تبارك وتعالى بمحامده، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وستعطى والشاه تشفع. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة ليست ملكا له، بل الشفاعة كلها لله. قال الله تبارك وتعالى قل لله الشفاعة جميعا. Donc également, troisièmement, on répond en disant que cette intercession, c'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné, mais ce n'est pas, cela ne lui appartient pas. C'est-à-dire, Allah lui donne l'intercession, mais cela n'est pas la propriété du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens vont se diriger vers lui, afin qu'il intercède pour eux, il y aura un qiyama, il ira se prosterner sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala en le glorifiant par de nombreuses louanges. Il restera prosterné très très longtemps jusqu'à ce qu'il lui soit dit « Ô Mohammed, relève ta tête, parle, tu seras entendu, demande, il te sera donné et intercède, ton intercession sera acceptée. » Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam posséder l'intercession, il n'aurait pas eu besoin de demander la permission auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Az-Zumar قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Rabi'an, نقول أن الشفاعة ولو كانت ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الإنسان أن يعلم أن الله تبارك وتعالى لا يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لأي أحد. لا يأذن الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لأي أحد. فالشرط الأول هو الإذن، والشرط الثاني هو الرضا عن المشفوع. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من رضا الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى لا يرضى عن الشرك ولا يرضى لعباده الكفر. فمن كان مشركا بتأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يشفع له. فمن كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ومشرك، فبالتالي نجزي أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يشفع له في الآخرة. Quatrièmement, admettons même que l'intercession soit la propriété du prophète صلى الله عليه وسلم. Il faut savoir que l'intercession ne sera pas donnée à tout le monde. Le prophète صلى الله عليه وسلم n'intercèdera pas pour tout le monde. Il y a deux conditions. La première condition, c'est la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Qui pourrait intercéder auprès de lui sans sa permission. Et également, il faut que Allah subhanahu wa ta'ala agrée la personne vers qui est dirigée cette intercession. Et parmi les choses dont nous sommes sûrs, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala n'agrée pas la mécréance et le polythéisme. Allah n'agrée pas la mécréance pour ses serviteurs. Donc celui qui invoque Allah, qui invoque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on avait vu précédemment, est un mouchrik, un associateur. Donc, nous sommes sûrs que l'intercession, il ne fera pas partie des gens de l'intercession. Khamisan. خامساً أن الله تبارك وتعالى أعطى الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنها لك أن تطلبها له. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. ما دام لك دعوت لا يجوز لك أن تدعو أحدا غير الله تبارك وتعالى. طيب لو أعطيت لفلان مبلغا من المال، أنت أعطيت لفلان مبلغا من المال، ولكن هذا المال لا يزال في ملكك، هل يجوز للناس أن يذهبوا إليه ويطلبوا شيئا من المال؟ لا، لأن المال مالك. فالله سبحانه وتعالى a donné l'intercession au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en même temps, il t'a interdit de la demander du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « فَلَا نَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا » n'invoque personne avec Allah. Donc Allah il a donné l'intercession au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en même temps, il t'a interdit d'invoquer autre chose en dehors d'Allah. Donc si demain, donc, tu donnes à quelqu'un une somme d'argent. Tu lui donnes pas dans le sens un don, mais donc tu lui confirmes. Est-ce que les gens, il leur est permis d'aller chercher cet argent chez lui? Non, parce que l'argent reste le tien. Donc c'est pareil pour l'intercession. Allah a donné l'intercession au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais cela reste son entière propriété. Donc tu n'as pas le droit d'aller la chercher vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre partenaire Omar, il a dit, désir l'intercession, demande-le auprès d'Allah. Dis-le Allah, ne me prive pas de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, fais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède pour moi. Saint-Dissène, n'approuve. Voyez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa anta tatlubu amin. I'lam anna hunaka unasan yashfa'una yawm al-qiyamati غير النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الوحيد الذي سيشفع يوم القيامة. فالملائكة يشفعون والأفراد يشفعون والأولياء يشفعون. لماذا خصصت النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الشفاعة؟ اطلب ادعو الملائكة ادعو الأولياء ادعو الأفراد. فإذا قلت له ذلك يمكن لك أن يقول أن الأفراد أو الأولياء والملائكة لا يملكون الشفاعة، فنقول كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة. Donc, sixièmement, donc on dit, le prophète s'intercède, c'est vrai qu'Allah lui a donné l'intercession, qu'il intercédera Yawm al-Qiyamah. Mais il faut savoir également qu'il n'est pas le seul qui intercédera Yawm al-Qiyamah. Donc c'est vrai qu'il y a des intercessions propres au prophète s'intercède et d'autres où le prophète s'intercède intercédera, ainsi que d'autres personnes. Parmi eux, les anges. Donc les anges intercéderont pour certains serviteurs. Parmi eux, ce que l'on appelle l'afrat. L'afrat, donc c'est les enfants qui sont décédés avant la puberté. Et également l'aulia, c'est-à-dire les gens pieux, les gens vertueux. Également, il leur sera permis d'intercéder yawm al-qiyam. Mimma yadullu ala anna al-afrat yashfa'un, mathabata fi sahih muslim, عن أبي حسان أنه قال: قلت لأبي هريرة رضي الله عنه: إنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدثي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتان؟ Donc un jour, un homme s'appelait Abu Hassan, il est venu voir Abu Huraira. Il lui a dit: je viens de perdre deux fils. Est-ce que tu peux me citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui me redonnerait le moral à cause de cette perte? Qala na'am. تعاميس الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبوي فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصليفة ثوبك هذا، فلا يتناهى أو قال لا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. إنودي أبو هريرة وكما سيتحدث وسلم ودي صغاركم تعاميس الجنة، صغير vos enfants seront les enfants du paradis. Ta'amis, c'est rare. Vos enfants seront les enfants du paradis. L'un d'entre eux rencontrera son père ou bien ses deux parents et il le prendra par son vêtement ou bien il le prendra par la main. Comme moi je prends de ton vêtement. Donc il l'a pris par son vêtement. Il a pris Abou Hassan de son vêtement. Il a dit, et il ne le lâchera pas qu'après qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'ait fait entrer au paradis. Donc ça, c'est l'intercession. Donc, c'est-à-dire, les al-afrat, donc, intercèdent pour leurs parents. Donc on lui explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le seul à intercéder yawm al-qiyam. Donc il y a deux possibilités. Soit il va dire: je demande également l'intercession auprès du Afat. Et ça, il n'y a personne qui le fait. La plupart des gens qui sont dans le polythéisme, ils demandent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et personne d'autre. Ou bien il dira: je ne demande pas l'intercession auprès de l'Afrat, car cela aura lieu au-delà. On le dit également, l'intercession pour les aura lieu au-delà. Ou bien il dira: je ne la demande pas au Afrat, car il ne possède pas l'intercession. On le dira également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne possède pas l'intercession. كذلك سابعا نقول: إن كنت تريد أن يشفعك النبي صلى الله عليه وسلم فلا توجه دعاءك للنبي صلى الله عليه وسلم، بل قل: اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، أو اللهم شفع فيها رسولك صلى الله عليه وسلم. Donc septièmement, on dit: si tu désires réellement que le prophète صلى الله عليه وسلم intercède pour toi, invoque Allah pour cela en disant: ô Allah, fais que le prophète صلى الله عليه وسلم intercède pour moi, ou bien ne me prive pas de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري؟ فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن أجاب: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا كذبه القرآن، كما في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية. وإن قال: ومن قصد خشبة أو حجرا أو بناء على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت، أهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها؟ فهذا قد أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. ويقال له أيضا: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في الشرك؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق بالملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وسر المسألة أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله، فقل له: ما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال: هو عبادة أصنام، فقل: وما معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لي. فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وحده، فقل: ما معنى عبادة الله وحده؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فإن قال: إنه لا يكفرون بدعاء الملائكة. هذه الشبهة الأخرى. Donc la sixième ambiguïté qu'ils ont citée. Donc il te dira: moi je n'associe rien à Allah. Hacha wa kalla. Mais le fait de se diriger vers les vertueux, les saints, n'est pas du shirk. Tu lui dis alors: donc tu reconnais que Allah a interdit le shirk, l'association de polythéisme, plus encore qu'il n'a interdit la fornication. Et tu reconnais également que Allah ne pardonne pas ce péché. Tu lui dis ensuite, donc, quelle est cette chose que Allah a interdit et a cité qu'il ne lui pardonnera pas? C'est-à-dire, s'il te dit que ce que je fais n'est pas du shirk, tu lui expliques: dis-moi qu'est-ce que c'est le shirk alors. S'il te dit je ne sais pas, tu lui dis: comment peux-tu alors prétendre ne pas commettre de shirk alors que tu ne sais même pas ce qu'est le shirk? C'est la même chose qu'on avait cité dans la quatrième ambiguïté avec Leïlan. Et c'est les mêmes personnes qui ont cité cette ambiguïté à l'époque de Mishra Barbara. Ou bien tu lui dis: comment est-il possible que Allah t'interdise le shirk et cite dans le Coran qu'il ne lui pardonne pas, et toi, tu ne cherches même pas à savoir qu'est-ce que c'est, ni à le connaître? Et penses-tu qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'interdit quelque chose sans te montrer sa définition? Il se peut qu'à ce moment-là, il te réponde. Et il te dise: Al-Shirk wa ibadat al-Asnam. Donc le shirk, c'est l'adoration des statuettes. Et nous n'adorons pas les statuettes. Dis-lui alors: que veut dire adorer les statuettes? Penses-tu que les gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam pensaient ou bien croyaient que ces bouts de bois ou bien ces bouts de pierre créaient, donnaient la subsistance ou bien contrôlaient d'autres choses? Ça revient à l'introduction du livre, dont on avait cité la croyance des gens de la Mecque à l'époque du prophète Hassan. Penses-tu que les adorateurs de la Mecque pensaient que donc, leur statuette faite de bois ou bien faite de pierre, c'est elle qui avait créé, c'est elle qui donne, c'est elle qui contrôle toutes choses? Et cela, le Coran l'a démenti. Allah nous dit, comme manière de beaucoup de وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدْخِلُ الْأَرْضَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. C'est-à-dire, dans le Coran, il est cité que si tu leur dis, eh bien, ô Mohammed, si tu dis à ces associateurs de la Mecque, qui vous a créé ? On est les autres premiers de Sama et voilà. Ou bien qui, plutôt, vous donne votre subsistance des cieux et de la terre ? وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ qui possède la vue et l'ouïe. Et fait sortir le mort du vivant et fait sortir le vivant du mort. Et qui contrôle toutes choses ici sur terre, ben c'est Allah. Ils diront c'est Allah. Donc les associateurs à l'époque de Prophète leur posent toutes ces questions-là et ils diront c'est Allah. Il est important justement pour comprendre l'islam de savoir pourquoi le prophète Hassan a combattu ces gens, car beaucoup de gens à notre époque, en 2014, tu leur dis pourquoi le prophète Hassan a combattu contre les gens de la Mecque, soit ils vont te dire je ne sais pas, ou soit ils vont te dire, comme ici, car ils adoraient les statues. Si tu lui dis c'est quoi l'adoration de Hassan, c'est-à-dire qu'ils ne croyaient pas en Allah. Ils croyaient que leur statue, c'est elle qui avait créé les cieux et la terre, c'est elle qui donnait la subsistance. Et c'est faux. Eux, ils n'adoraient leur statuette qu'afin que leur statuette les rapproche de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'il dit ensuite, le shirk, c'est celui qui se dirige vers un bout de bois, ou bien une pierre, ou bien un mausolée, une arme à la preuve, ou autre chose, et la manque. Et sacrifie pour lui, en disant, il n'a eu pas de rébouda, en disant, cela nous rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Voyez, faire Allah, ou un ami de la kati. Et Allah éloigne tout mal de nous grâce à la baraka de cet acte. Baraka donc de cette statuette, ou bien de ce morceau de bois, ou bien de ce tombeau. Et Allah nous donne, grâce à la baraka de cet endroit. À ce moment-là, on dit cela. C'est-à-dire, c'est ça la définition du shirk. وَهَذَا وَفِيَنُكُمْ عِنْدَ الْأَحْجَاءِ وَالْأَمْنِيَةِ الْأَتِيْتِ عَلَى الْخُبُولِ وَالْرِكَمْ. À ce moment-là, je vous dis, voilà donc ce que vous faites lorsque vous vous rendez donc vers des pierres ou bien des fondations au-dessus des tombes. Donc à ce moment-là, il a reconnu que ce qu'il fait est ibadat al-asnam. Et c'est ce qui est demandé. On le dira également parce qu'on nous dit que shirk, c'est ibadat al-asnam, c'est l'adoration des statuettes. Est-ce que shirk, c'est seulement l'adoration des statuettes ? C'est-à-dire, s'il adore autre chose que les statuettes, est-ce que c'est du shirk ? Et le fait d'adorer des hommes vertueux, de reposer sur des hommes vertueux, les invoquer, est-ce que cela rentre dans Al-Shirk également? Donc à ce moment-là, on revient à ce qu'on a cité, c'est que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé les gens qui ont adoré les anges, ont adoré Aïssa, ont adoré les gens qui vertueux. Donc ça, on va rester dans une chouba, une ambiguïté précédente. À ce moment-là, il est alors obligé de reconnaître que celui qui associe à Allah quelque chose dans son adoration, que ce soit Sahihin ou autre, cela est un shirk, l'association qui a été citée dans le Coran. Donc maintenant, on essaie de l'amener petit à petit à la vérité. Donc ensuite, il a résumé donc, cette même ambiguïté. Donc, s'il te dit, là où Shikou Billah est chez elle, tu lui dis, qu'est-ce que Shikou Billah ? Si tu te dis, moi je n'associe rien à Allah, tu lui dis c'est quoi l'association. Je ne fais pas de chiffre, tu dis qu'est-ce que c'est le chiffre. Explique-la-moi. Si tu te dis c'est Ibadat al-Aslam, tu lui dis ça veut dire quoi Ibadat al-Aslam. Si tu te dis c'est l'adoration des statues, tu lui dis ça veut dire quoi l'adoration des statues. S'il te dit cela veut dire. Ou bien s'il te dit. Moi, je n'adore rien avec Allah. Ça, c'est ce qu'on avait cité dans la probabilité du regard. Lorsqu'il avait dit, Anala Abdul Ahmed, non. C'est-à-dire, il dit, donc il est vraiment associé à Allah, il dit, je n'adore personne en dehors d'Allah. À ce moment-là, tu lui dis, explique-moi, qu'est-ce que c'est que l'Ahmed. Donc, on avait cité cela dans l'ambiguïté numéro 4. S'il te décrit cela, parce qu'il y a ce qui a été cité dans le Coran, à ce moment-là, c'est cela qui est demandé. S'il ne la connaît pas, tu lui dis alors comment peux-tu prétendre quelque chose que tu ne connais pas. Certaines personnes, avec toute audace, tu leur dis, ils te disent je ne sais pas de chiffre, tu dis pas de chiffre, tu dis je ne sais pas. Tu lui dis, il te dit je n'adore personne en dehors d'Allah, tu lui dis qu'est-ce que c'est que l'adoration, il est incapable de donner une définition. Donc tu lui dis comment peux-tu prétendre quelque chose sans le connaître. S'il te donne une définition erronée, tu lui expliques alors la vraie définition, donc par les preuves du Coran et de la Sunna, donc pour donner la définition de shirk et de l'adoration des statues. Et tu lui expliques également que ce qu'ils font à notre époque est exactement ce qui était fait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que ce qu'ils te blâment de faire, parce qu'en plus, d'adorer autre qu'Allah, ils blâment ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et que c'est réellement l'adoration seule que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils protestent et crient comme l'ont fait avant eux, donc leurs frères, par les gens de Quraysh, parce qu'ils ont dit. Parce que le prophète leur a dit Qul la ilaha illallah, dites la ilaha illallah, ils ont dit veut-il rendre toutes nos divinités une seule divinité. Donc ils avaient compris ce que voulait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils ont refusé de le faire. Hadihiya Shubhatu السادسة وهي قريبة من الشبهة الرابعة عندما قالوا نحن لا نعبد مع الله أحدا ففي هذه الشبهة قالوا أن الالتجاء إلى الصالحين ليس شركا. Donc cette ambiguïté ressemble fortement à la quatrième. Dans la quatrième, ils avaient dit « Nous, nous n'adorons personne avec Allah. » Donc à ce moment-là, on leur aurait demandé de nous expliquer qu'est-ce qu'était l'adoration. Ici, ils diront « Nous n'associons rien avec Allah. » À ce moment-là, on va observer le même cheminement en leur demandant de nous définir qu'est-ce que c'est que le shirk. Tu nous dis que tu n'associes rien à Allah. Explique-moi qu'est-ce qu'est l'association. فإن عرفوا الشرك بأنه عبادة الأصنام وقد يعرف بعضهم الشرك بأنه السجود أو الركوع للأصنام وقد يعرف بعضهم الشرك بأنك تعتقد الربوبية في غير الله تبارك وتعالى وهم عندهم تعريفات Donc à ce moment-là, je lui demande de te définir le shirk. Donc il se peut qu'ils donnent chacun une définition différente. Donc nous, ce qu'on veut, c'est si elles sont toutes erronées, c'est la même chose pour nous. Donc il y en a qui vont te dire le shirk, c'est l'adoration des statues. D'autres vont te dire c'est le fait de se prosterner devant une statue, ou bien de s'incliner devant une statue. D'autres vont te dire le shirk, c'est le fait de croire qu'il y a un autre Seigneur de l'univers en dehors d'Allah. qui donne, qui fait mourir, qui donne la vie, qui crée. Voilà ce que vous dire, ce que vous dire, c'est quoi? Al-Shirk. والذين تبنوا هذه الشبهه هم نفس الذين تبنوا الشبهه الرابعه محمد بن عبد المجيد الفاسي له كتاب اسمه الرد على بعض المبتدعه من الطائفه الوهابيه دونك les mêmes qui ont cité cette Chouba, parmi les sont les mêmes qui ont cité la quatrième. Lorsqu'ils ont dit nous n'adorons personne à part avec Allah, ils ont dit également nous ne l'associons rien à Allah. Donc il y avait, comme on avait cité Muhammad ibn Abd al-Majid al-Fasi, dans son livre Al-Raddu à la part des Mubtadi'ati, il est Ta'ifati al-Wahhabi. Donc il a répondu à certains innovateurs parmi les gens de la secte al-Wahhabi. Donc tout ça pour montrer. On avait cité ces gens pour montrer donc, que c'était des ambiguïtés vraiment présentes à l'époque de l'imam Rahimahullah. فالشرك الذي أو تعريف الشرك الذي ذكره ليس بصحيح. فالشرك ليس خاصا بعبادة الأصنام وليس خاصا بالسجود للأصنام كما مر معنا. فالشرك التعريف الشامل للشرك هو أن تجعل لله ندا ندا يعني شريكا في ربوبيته وألوهيته أو أسمائه وصفاته. Donc la définition entière complète du shirk, c'est le fait de donner à Allah subhanahu wa ta'ala un associé, que ce soit dans sa seigneurie, dans son adoration, ou bien dans ses noms et ses attributs. فهذه الشبهة سنرد عليها في أمرين. الأمر الأول نقول لهم كما ذكر الشيخ نقول لهم الشيخ إذا أنت تقول لنا لا نشرك بالله شيئا فعرف لي ما هو الشرك. فهناك ثلاث احتمالات كما ذكرنا في الشبهة الرابعة، إما أن يقول لك لا أدري، وإما أن يفسر لك الشرك تفسيرا صحيحا وهذا بعيد، وإما أن يفسر لك الشرك تفسيرا خاطئا. Donc on va répondre à ces ambiguïtés par deux points comme a fait l'auteur Rahimahullah. En le disant, donne-moi la définition de shirk. Donne-moi la définition de l'association. Tu me dis, je n'associe rien à Allah. Oui. Aucun problème. Explique-moi ce qu'est l'association. Comme on avait dit pour l'ibada. Explique-moi ce qu'est l'ibada. Et comme on avait dit donc, il y a trois types de réponses. Soit il va te dire la adri, je ne sais pas. Soit il va te donner une définition correcte, soit il va te donner une définition erronée. Il parle la kala adri. En fait, tu vois, je vous dis, tu le dis au l'intiqa. Tu as le roi, qui fait un taïché, un taïché, un S'il te dit je ne sais pas, à ce moment-là, tu le blâmes fortement en lui disant tu prétends quelque chose que tu ignores. Tu prétends n'associer rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque je te demande ce qu'est l'association, tu me dis je ne sais pas. Donc comment peux-tu prétendre quelque chose que tu ignores? Et l'actimel le fani, a dû facile à la carte. الشرك تفسيرا صحيحا فهو الذي اشار اليه الشيخ عندما قال ان قال لك هو من قصد خشبه او حجرا او بناء قبر او غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون انه يقربنا الى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته فقل صدقت. Le père a parlé de il se peut qu'il te donne une bonne définition en te disant c'est celui qui se dirige vers un morceau de bois, une pierre, ou bien une fondation au-dessus d'une tombe, ou toute autre chose. L'invoquant, sacrifiant pour elle, en disant que cela nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah, grâce à la baraka de cette chose-là, soit la statue en bois, soit la statue en pierre, soit le mort, etc., Allah éloigne le mort, le mal de nous grâce à la baraka de cette chose-là. Ou bien nous donne grâce à la baraka de cette chose-là. À la tafsir, au tafsir, sahih. فإذا فسر لك الشرك تفسيرا صحيحا تبين له أن ما يفعله هو عين هذا. Si tu donnes une bonne définition de shirk, tu lui montres alors que c'est exactement ce qu'ils font. Que c'est exactement ce qu'ils font. Parce qu'ils se dirigent vers Abdel Qadir al-Jilani, Sayyid al-Badawi, ou bien d'autres, en leur demandant en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant que cela les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou que Allah leur donne grâce à la baraka de cet homme, c'est exactement donc, ça rentre dans la définition que tu viens de citer. Et la tibale de fa'alif, a mieux facile à la car, a shirk, tafsir, un tarbe al, qu'il y a quoi, le shirk ou aïban de l'arsenal, ou quoi, ce jour de l'arsenal, ou à tiqad al-rubiyati, في غير الله في هنا تبين له التفسير الصحيح للشرك بالأدلة واضحة تبين ما كان عليه أهل الجاهلية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. Si tu donnes une mauvaise définition du shirk, donc tu te dis que c'est l'adoration de sa tête, que c'est le fait de croire en la seigneurie d'autres qu'Allah, à ce moment-là tu lui réponds en lui montrant le shirk qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est un Coran, en citant donc la croyance qu'avaient les gens de la Mecque. Alors que cela n'était pas spécialement pour les statuettes, qu'il y a des versets parlant des anges, parlant de l'adoration des anges, parlant de l'adoration des djinns, parlant de l'adoration des prophètes comme Isa alayhi salam, de l'adoration des djinns. Et tu lui montres également que les assistants de la Mecque, donc, croyez en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils n'adorez leur divinité qu'en espérant que cela les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, naqulu lakum anna Allah tabaraka wa ta'ala kaffara man ta'allaqa bil mala'ikati was-salihin wa 'abadahum wa anna ha'ula'i ismu asnam. والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على ذلك وأباح دماءهم وأموالهم. Également, tu réponds à cela, c'est-à-dire à Ibn al-Faslam, en lui disant que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu mécréants dans le Coran ceux qui se sont attachés à l'adoration des anges, à l'adoration des gens vertueux, à l'adoration des prophètes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu tous ces gens et a rendu licite leur bien et leur sang. Ensuite, ce qu'a cité l'auteur rahimahullah est un résumé de cette ambiguïté. Donc en fait, dans la même paragraphe, il a cité cette ambiguïté deux fois, en la citant de manière développée au début, puis de manière résumée, donc pour montrer l'importance de cette ambiguïté. Naktafi et Hada, on va créer l'eau à le soir Khadim, Inch'Allah, Rabbana Atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, kama qina adhab an-nar, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.